بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ce qui suit est donc une tentative de traduction résumée de l'intervention du noble cheikh Abdullah ibn Abd al-Rahim al-Bukhari حفظه الله تعالى concernant les événements survenus en France dernièrement. Et cette intervention contient un certain nombre d'orientations de sa part, qu'Allah le préserve et l'en récompense. Le cheikh a commencé en disant, au nom d'Allah, les louanges reviennent à Allah. Nous lui adressons donc les louanges et nous lui implorons son aide et son pardon. Et nous lui demandons la protection contre les vices de nos personnes et nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Et il atteste que nulle divinité ne mérite d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Cela dit, ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il doit être craint, et ne mourrez qu'en état de pleine soumission. Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé dans sa lettre, et qui a créé à partir de celui-ci son épouse, et qui a fait se répandre à partir d'eux beaucoup d'hommes et de femmes. Et craignez Allah au nom duquel vous interpellez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah et proférez de bonnes paroles. Il réformera votre situation et vous pardonnera vos péchés. Et quiconque aura obéi à Allah et à son messager aura certes connu la grande réussite. Cela dit, le meilleur des discours c'est la parole d'Allah, et la meilleure des voix c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les pires des choses en religion sont celles qui y sont nouvellement inventées. Toute chose y étant nouvellement inventée étant une innovation, et toute innovation étant un égarement, et tout égarement mène en enfer, qu'Allah nous en préserve. Cela dit, le shir donc a fait mention du fait que certains frères, qu'Allah les préserve, l'ont sollicité afin d'intervenir concernant certains événements survenus dernièrement. Et qu'ainsi donc, il a souhaité rappeler certains principes et préceptes islamiques aux frères concernant ce sujet-là. Et il a donc fait mention du fait que il y a certaines périodes de troubles qui peuvent apparaître, et ces périodes de troubles qui vont parfois toucher les musulmans dans leur sang, dans leurs honneurs, ou dans leurs biens, voire dans leur religion. Et que de manière générale, la cause de ces troubles-là, de ces périodes de troubles, revient à l'ignorance et à la diminution du savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté de lui dans les deux recueils authentiques d'après Anas, avait d'ailleurs dit cela, en disant que parmi les signes de l'avènement de l'heure, le fait que le savoir diminue et que l'ignorance se multiplie. Et dans certaines versions, le fait que l'ignorance s'installe et que le savoir tend à disparaître. Et il faut donc savoir que le manque de savoir authentique, de science religieuse authentique, va être la cause de l'apparition de ces troubles, de ces dissensions et de ces périodes de crise. Et que cette ignorance-là va être à l'origine de l'apparition de certains agissements opposés à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il n'est pas une période de troubles qui n'apparaissent sans que la dérogation à sa voix, sallallahu alayhi wa sallam, en soit la cause. Cette même voix que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifiée. Et il n'est pas mort sans avoir clarifié cette voie sur laquelle il cheminait sallallahu alayhi wa sallam. Et il faut savoir que cette ignorance relative à la réalité de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont sont coupables certaines personnes qui parfois pensent savoir, va être néfaste à la fois pour la personne, mais également pour la communauté dans son intégralité. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans son livre intitulé At-Tabukiyya, il a parlé de cela. Et il a montré et exposé le fait que la cause de la félicité dans les deux demeures, c'est-à-dire la cause du bonheur dans les deux demeures, ici-bas et dans l'au-delà, c'est la conformité à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que la non-conformité à cette voix va être la cause du malheur et de nombreux troubles. Et d'ailleurs, il faut savoir que les épreuves, elles viennent justement la plupart du temps de ces gens-là qui pensent connaître, alors qu'en réalité, ils sont ignorants. Ces mêmes personnes-là qui en viennent à se prononcer au nom de l'islam, alors que l'islam est innocent de leurs discours et de leurs agissements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce qui a été rapporté dans les deux recueils authentiques, en décrivant les Khawarij et en s'adressant à ses compagnons, car là les agrès, il a dit: vous allez mépriser votre prière face à la leur, et votre jeûne face au leur, et votre récitation face à la leur. Cependant, la foi ne dépasse pas leur gorge, et ils sortent de la religion comme la flèche sort du gibier, ou comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et sans cesse, les gens sont éprouvés par ce genre de personnes qui sont ignorants, mais qui pensent connaître. Et c'est ainsi que leurs agissements vont être mauvais. Et c'est d'ailleurs à partir de là que le Cheikh, hafizahullah ta'ala, a insisté sur l'obligation de l'apprentissage du savoir authentique et sur le fait que cela incombe à tout musulman sans exception, a fortiori ceux qui résident dans ce genre de pays, qui sont témoins de ce genre d'agissement contraire à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir d'insister sur cela en disant que il est impératif de chercher à connaître et à apprendre ce en quoi consiste cette sharia qui est pure et qui est parfaite, et que cela ne peut se faire que de la bouche de ceux qui ont le savoir, les ulama de la sunna, ceux-là qui se caractérisent, comme l'a dit Ibn Taymiyyah, par le fait qu'ils sont les plus connaisseurs en matière de vérité, et qu'ils sont les plus miséricordieux vis-à-vis des créatures d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il incombe donc à tout musulman de chercher à concrétiser le principe d'adoration voué à Allah tabaraka wa ta'ala en apprenant ce savoir authentique, et que cela ne peut se faire que de la bouche des ulama de la sunna. Et cela ne peut pas avoir lieu si le savoir est recherché auprès des éléments perturbateurs ou auprès de d'autres menteurs ou d'imposteurs qui se prétendent comme étant des savants, alors qu'en vérité, ils ne le sont pas. Et il faut savoir qu'il convient de prendre en considération la réalité des choses, et non pas les simples prétentions. Car si les prétentions ne sont pas appuyées par quelque chose de concret, alors en vérité, ceux qui en viennent à prétendre ces choses-là ne sont que des prétentieux. Deuxième point abordé par le Cheikh, Hafidhahullah Ta'ala, le fait que l'islam nous a décrit d'éminents préceptes et principes, et ce, dans l'ensemble des domaines. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clarifié tout cela. Le fait de déroger à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc un mauvais signe, voire un signe dangereux. Et il faut savoir également que le fait de déroger à la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de s'en écarter, revient à s'écarter du droit chemin. D'ailleurs, à ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans son noble livre que se méfient donc ceux qui se détournent de ses commandements, c'est-à-dire des commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que des troubles ne les touchent ou qu'un énorme châtiment ne les atteigne. Et il faut savoir que la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a tout clarifié dans sa sunna. Il convient donc d'y rester fidèle. Suite à cela, le shir, Abidahullah Ta'ala, a fait mention d'un récit recueilli par l'imam muslim d'après l'imam Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Ce récit, il voit deux personnes qui se sont présentées à Ibn Omar et qui lui ont raconté certaines choses qu'ils avaient entendues en disant que il y a chez nous des gens qui disent qu'il n'y a pas de destin et que le décret ne cesse en vérité de se renouveler. Dans le sens où ils ont rejeté le principe du destin. On remarque ici que ces deux personnes ont eu ce réflexe de revenir vers le savant afin de le questionner, afin de connaître sa position. Et c'est là quelque chose d'important, le fait de revenir au savant, surtout en temps de crise. Et Ibn Omar leur a répondu, informez-les que je me désavoue d'eux et qu'ils me sont étrangers, et ce, jusqu'à ce qu'ils apportent foi au décret et à la prédestination divine. Autre point abordé par le shir, Hafizahullah Ta'ala, l'obligation qui incombe à tout musulman qui agrée Allah comme un seigneur adoré, l'islam comme religion, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète et messager. D'être fier de se réclamer de lui sallallahu alayhi wa sallam, et également de s'atteler à se conformer à sa voix sallallahu alayhi wa sallam, et de chercher à porter secours à sa sunna et à la défendre. Et c'est là quelque chose d'important. Et il faut savoir que cela ne peut se faire que par la conformité à sa voix. D'ailleurs, les épreuves qui touchent les gens viennent de leur ignorance de cette sunna. Ils veulent porter secours à la cause du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne savent pas comment le faire correctement, car ils ignorent la voie de la sunna. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith authentique que les différentes communautés sont sur le point de se jeter sur vous. De la même manière que les gens qui sont conviés à un repas se jettent sur le repas qui leur est présenté. Il fut alors dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ce sera à cause de notre petit nombre ce jour-là, au messager d'Allah? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de répondre, non, vous serez plutôt nombreux, mais vous serez nombreux et en quantité à l'image de l'écume de la mer. Cette comparaison faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam est due justement au fait que malgré ce grand nombre, eh bien, la majorité ne sait pas comment porter secours à la cause de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et cherche à le faire d'une manière qui n'est pas conforme à sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'il se retrouve en grand nombre, en grande quantité, mais telle l'écume de la mer. Le shir également d'insister sur le caractère obligatoire de chercher à porter secours à la cause d'Allah. Et sur le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a promis à ceux qui portent secours à sa cause de les secourir. En effet, il a dit, ô vous qui avez la foi, si vous portez secours à la cause d'Allah, il vous secourra. Et cela passe dans un premier temps par le fait de concrétiser le tawhid, à savoir le fait d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans son adoration. Autre point abordé par le shaykh, hafidhahullah ta'ala, l'interdiction de la violation des pactes. Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques que cela fait partie des caractéristiques des hypocrites. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est quatre caractéristiques qui, si elles sont réunies dans une personne, font d'elle un véritable hypocrite. Alors que s'il se caractérise par l'une d'entre elles, il aura en lui une caractéristique de l'hypocrisie. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il fait une promesse, il ne la tient pas. Et lorsqu'il s'engage à faire quelque chose, il ne le respecte pas. Et lorsqu'il se dispute, il est vulgaire. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné le fait de craindre Allah dans nos paroles et dans nos actes, et également de ne pas chercher à faire des choses qui pourraient causer du tort à la communauté. Et cet enseignement-là, nous le retrouvons notamment dans le verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit « Et n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent d'autre qu'Allah, car ils injurieraient Allah par animosité et ignorance. » Il ne faut donc pas chercher à provoquer les ennemis d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en perpétrant ce genre de crime qui par la suite cause du tort et porte préjudice aux musulmans. Et ce sont eux qui en subissent les conséquences. Suite à cela, le shir de dire que les événements qui lui ont été rapportés et qui sont survenus en France et qui peuvent également survenir dans d'autres pays ne sont pas cautionnés par la charia et qui ne sont pas cautionnés par ces textes. Et que les textes de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne cautionnent en rien ce genre d'agissement. Et le shir également de dire que les habitants de ce genre de pays-là sont sous l'effet d'un pacte contracté avec ces pays-là. Et ils se doivent donc de respecter cela. Et cela est exposé formellement dans plusieurs textes, notamment le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit « Oh vous qui avez la foi, respectez les pactes !» Et également le shir a mentionné d'autres versets. Et le fait de bafouer les pactes, na'am, fait partie des caractéristiques des hypocrites, comme nous avons pu le voir précédemment. Et le fait de bafouer les pactes va être la cause de représailles qui vont toucher les musulmans, d'autant plus qu'ils sont minoritaires. Et il faut savoir que la religion, elle prend en considération cela, et elle fait une distinction entre les situations de force et les situations de faiblesse. Les situations de majorité et les situations de minorité. Et que tu ne te comportes pas de la même manière lorsque tu es en position de force que lorsque tu es en position de faiblesse. et tu ne te comportes pas de la même manière lorsque tu es majoritaire que lorsque tu es minoritaire. De plus, ce genre d'agissement-là ont prouvé au fil de l'histoire qu'ils ne mènent à rien de bon et qu'ils sont des agissements répréhensibles. Il faut donc que nous, les adeptes de la véritable sunna, nous nous en tenions à ces enseignements prophétiques et que nous n'en dérogions pas en ayant recours à ce genre d'agissement-là. Quant à la personne qui se verrait contrainte de repousser un mal ou un préjudice qui pourrait la toucher, alors il faut qu'elle s'attelle à le faire par la vérité et d'une manière conforme à la vérité, car on ne repousse pas le faux par le faux. On repousse le faux par la vérité. On ne repousse pas le faux par le faux. De même qu'on ne repousse pas l'erreur par l'erreur, on ne repousse pas l'innovation par l'innovation, mais il faut que cela soit fait en conformité avec la vérité. Également, pour revenir à ces agissements dont il est question, ce sont des agissements qui sont méprisables et qui, une nouvelle fois, risquent d'être la cause de nombreux maux. Et ce sont des agissements dont les conséquences sont nécessairement mauvaises. Et le jir de conclure en disant que les adeptes de la sunna authentique et véritable sont innocents de ce genre de choses-là. Quant à la personne qui se verrait amenée dans une situation donnée à aborder cela, alors il faut qu'il le fasse de bonne manière. D'ailleurs, nous trouvons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Repousse le mal par ce qui est de meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient-elle un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. » Et le shir de terminer en disant que toutes ces prétentions que nous pouvons entendre ici et là, selon lesquelles l'origine de ces troubles-là, en vérité, serait conforme au principe de liberté, il faut savoir qu'en vérité, ces gens-là, ils prétendent la liberté, mais ils en sont ceux qui en sont le plus éloignés. Et c'était là donc ce que le shir a voulu aborder comme point et les orientations qu'il a souhaité donner, qu'Allah le préserve et qu'il le récompense et qu'il récompense également en bien les frères qui sont à l'origine de cette initiative, le frère Ammar, le frère Suleyman et les autres frères également qui ont participé à l'organisation de cette assise. Jazakumullahu khayra. Et c'est ici donc en résumé une tentative de traduction qui, je l'espère, aura été le plus fidèle possible. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.